Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous allez continuer à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got that lipstick smeared around my face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. 'Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time I caught you out again. You spent your time à tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'interludique sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Et oui, mesdames et messieurs, en ce beau jeudi 16 mai 2013, nous revoilà pour vous parler jeu, vous parler univers geek avec monsieur Andrew Castegan. Comment ça va, Andrew? Ça va très bien. Étonnamment, les lumières sur ma console sont allumées assez facilement aujourd'hui. Yeah! Faut croire que les micros reçoivent bien pour faire changement. Ouais, parce qu'on s'excuse d'ailleurs, là, j'ai mis l'émission la semaine dernière en podcast hier sur le site et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de parasites. Donc, mea maxima culpa, mesdames et messieurs. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bref, ça devrait pas trop altérer votre expérience ludique que d'écouter l'émission de la semaine dernière. On vous rappelle rapidement que Puissance Maximale est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Allez écouter toutes nos anciennes émissions en version podcast, lire nos nouvelles. Surtout, si vous avez pas écouté les premières, vous avez beaucoup de rattrapage à faire. Ouais, c'est ça. Ça fait quand même 5 ans que Puissance Maximale est en onde, donc vous en avez pas mal à écouter. Puis aussi, les entrevues, on a quelques podcasts d'entrevues toutes seules comme ça qu'on a mis sur le site. Allez, écoutez ça. Dont une avec Jean-Philippe Cardin qui devrait apparaître prochainement. Oui, on a fait, M. Castelgan a réalisé ça cette semaine. On va mettre ça sur la page Internet dans les prochains jours. Et on vous rappelle également d'aller sur Facebook, d'aller nous aimer sur Facebook. Vous tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche, c'est assez facile à trouver. Vous appuyez sur le petit bouton j'aime parce qu'on vous aime, mesdames et messieurs. Et évidemment, on vous rappelle, comme depuis les deux dernières semaines, qu'il y a une page Indiegogo pour aider Puissance Maximale à réaliser sa version 2.0. Donc, refonte du site Internet, achat de matériel pour partir... Éviter que les émissions grichent. Ouais, entre autres, et partir en format itinérance partout au Québec pour aller faire des émissions ailleurs et vous présenter d'autres univers geeks que celui de la capitale, même si on aime beaucoup l'univers geek de la capitale. Mais on va aller ailleurs à des événements, mais c'est avec vous qu'on va réaliser ça. Ben d'ailleurs, juste pour spécifier, Comic-Con qui s'en va en juillet pour répéter, que je vais être présent, entrevue avec Brental Floss. Pas à Comic-Con, à... Con Bravo, excusez. À Con Bravo, et oui, on va s'en aller. Et ben, peut-être que je vais pouvoir y aller aussi, là, c'est pas décidé, mais on va au moins avoir M. Castegan qui va être à Con Bravo, en Ontario, cet été pour aller parler... Hamilton, plus exactement. Hamilton, pour aller parler avec M. Brental Floss, qui va être sur place. On a très hâte. Et Doug Walker, de Nostalgic Critic, Pat de Nespunk, Game Chaser, à date, c'est... D'ailleurs, on veut tout de suite s'excuser de la qualité de notre anglais. On n'est pas pire, là, mais... Ben, c'est pour ça que t'es... J'ai invité un assistant linguistique pour m'aider à traduire mes questions du nom de Marie-Camille. Ah, c'est bon, ça. Elle a fait quand même un peu d'études en journalisme et assez parlant anglais. Elle devrait m'aider à formuler mes questions comme il faut. On devrait être bon pour s'en sortir. Donc, on vous rappelle, comme je viens de vous dire, là, sur la page Indiegogo, vous allez, ça, c'est le premier sujet. Quand vous allez sur la page Facebook, vous allez appuyer sur le lien pour avoir accès. On a déjà des gens qui ont donné. On a un petit peu d'argent de ramasser. Je vous rappelle, l'objectif, c'est 5 500 $ pour nous aider à monter tout ça, ce projet-là. Évidemment, on vous demande d'être très généreux et aussi de propager la page Indiegogo. La bonne nouvelle, c'est comme comme la bonne nouvelle geek. Là, c'est comme les 10 commandements. Effectivement. Et une autre émission chargée cette semaine. Mais excuse-moi, Michael, oui. Je veux juste faire une dernière annonce au niveau des événements parce que c'est confirmé hier. Probablement que même toi, t'es pas au courant. Puissance Maximale va être présent à la New York Comic Con en octobre. Oh, ça, non, effectivement. T'as réglé ça hier. Oui, la pause de 3 jours est achetée. Excellent. Bon, ben, M. Castagan sera à New York Comic Con et va pouvoir nous. Là, cette fois-ci, il faut que tu aies un téléphone ou un appareil qui aura de la pile toute la journée pour pouvoir nous faire des petits tweets tout au long de la journée. Et, mais excellent, ça va avoir une belle couverture. Encore une autre bonne raison de fournir de l'équipement, de nous aider à acheter l'équipement à Puissance Maximale. Parce qu'on vous rappelle qu'on est bénévole ici, hein. On fait pas une scène avec cette émission-là. En fait, on dépense beaucoup d'argent à cause de cette émission-là. On s'en plaint pas parce qu'on fait quelque chose qu'on aime, mais si vous voulez nous aider, c'est la bonne façon. Rendez-vous sur la page Facebook de Puissance Maximale. Donc, comme je disais, Andrew, grosse émission. On va parler avec M. Diego Lamana après la première chanson de notre collaborateur académique qui va nous parler d'un colloque, entre autres, là, sur l'histoire du jeu vidéo. On va aller le rejoindre après la première chanson. On a une invitée également en studio là, qui attend de nous parler. C'est Mme Catherine Levac qui est propriétaire du studio Crisaor. Je me suis pas trompé. Non, c'est bien. Excellent. Et qui va nous présenter son studio, mais aussi un jeu qui s'appelle Bollywood Wannabe. Mais merci beaucoup, Catherine, d'être en studio. On va revenir tout de suite après Diego. Jeu qui sera acheté cette semaine, donc critique plus en détail de ma part. On a eu la chance de tester, nous autres, parce qu'on s'est rendu à l'événement Soirée Gaming là, au Musée de la Civilisation. On va vous en parler également un peu plus tard dans l'émission. Et de nouvelles ludiques. Mais, M. Castagan, on va commencer, comme d'habitude, en musique. Avec quelle chanson? Ben, tu l'as dit, Mother Sky. Eh oui, Mother Sky du groupe 12 Foot Ninja. On entend ça à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Oh, Jean Jean aussi écoute Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après qu'on ait été ramené par Jaune Jaune. Et on est supposé avoir M. Diego Lamana en ligne pour nous parler de petit côté académique du jeu. Bonjour Diego, comment ça va? Bonjour Mickaël, ça va très bien toi? Et oui, numéro un. Et là, on a parlé hors d'onde un peu aujourd'hui. Là, tu m'as envoyé un courriel en disant « Hey, j'ai quelque chose de vraiment intéressant pour vous. » Écoute, nous, on est toujours intéressés de t'avoir à l'émission. Puis en plus, tu vas nous parler de quelque chose qui est vraiment, en ce cas, moi, qui m'attire beaucoup. Tu vas nous parler, entre autres, là, d'un colloque sur l'histoire du jeu vidéo. Oui, mon topo aujourd'hui, c'est sur l'histoire des jeux vidéo. Autant le colloque qui va se tenir à Montréal en juin que des livres sur l'histoire du jeu vidéo et d'un concept là, qui est apparu depuis quelques années pour la vente de jeux vidéo, le Humble Bundle. Je ne sais pas si tu connais. Ben, tout à fait. J'ai profité du Humble Bundle THQ un peu avant la fermeture du studio. Donc, effectivement je connais le Humble Bundle. Et là, eh ben, en plus, ça tombe bien parce que justement, là, récemment, à Québec, on a eu l'inauguration de l'exposition Histoire de jeux vidéo. C'est qu'on va rester un peu dans ce mood-là. Alors, par quoi veux-tu commencer, Diego? Bon, on va commencer rapidement par le Story Bundle. Oui. Donc, c'est sur le même concept que le Humble Bundle. Donc, rapidement, l'idée est assez simple. On regroupe différents genres de jeux dans une collection. On les met sur Internet. La plupart du temps, c'est des jeux indépendants, sauf le THQ. L'aspect intéressant du concept, c'est la liberté totale du client. Le client peut décider combien il veut payer pour la collection, mais aussi à qui il décide de donner son argent. Soit aux concepteurs des jeux, aux organismes de charité, ou directement en tant que pourboire au service d'un Humble Bundle. Ça, c'est ouais, effectivement le concept. Moi, j'adore ça, justement. Ça donne la liberté au client de faire ce qu'il veut. Puis en plus, on peut, des fois, là, ça peut être aussi peu que 1$ pour avoir accès à tout ça. Mais évidemment, pour les gens qui se sentent plus généreux, quand ils vont au-dessus de la moyenne des dons, bien, souvent, on leur propose des petits plus, des petits extras vraiment intéressants. Oui, dont les bandes sonores et des jeux supplémentaires, généralement des jeux un petit peu plus populaires. Effectivement. Et là, dans le History Bundle, qu'est-ce qu'on va retrouver? Oui, Story Bundle, donc c'est ça, généralement, ça n'a aucun rapport avec le jeu vidéo. Je voulais en parler cette semaine parce que je suis tombé là-dessus il y a une semaine ou deux. Et c'est une collection de livres, de e-books, essentiellement dédiés au jeu vidéo, à l'histoire du jeu vidéo. Ce qui est vraiment intéressant. Donc, suivant le même principe, pour la modique somme de 10$, cette fois-ci, on peut télécharger 11 livres sur l'histoire des jeux vidéo. Et encore dans la même logique que les Humble Bundle, sans DRM ou aucune protection quelle que soit. Donc, sur notre disque dur, on va avoir la version PDF, EPUB et Kindle des livres qu'on a achetés. Oh, c'est fantastique. Effectivement. Puis en plus, c'est vraiment 10$, c'est assez ridicule pour avoir accès à 10 livres. Et là, est-ce que tu as les titres de ces livres-là? Est-ce que c'est des livres sur lesquels tu nous as déjà parlé? Non, malheureusement. C'est pas les deux livres dont je vous ai parlé précédemment. C'est d'autres livres à peu près dans le même genre. Un peu un livre qu'on pourrait comparer au livre Replay que je vous avais discuté ou The Ultimate History of Video Game. Il y aurait Phoenix, The Rise and Fall of Video Game, The Fall and Rise of Video Game, pardon, qui est un livre qui raconte l'histoire de Pong jusqu'au Xbox 360, par exemple. Excellent. Donc là, on peut aller chercher ça où, ce bundle-là, Diego? Simplement, c'est storybundle.com. Tout simplement. Tout simplement. Et les achats, c'est assez simple. On peut payer par Amazon, PayPal ou par Google. Excellent. Et là, on va rester justement dans le sujet de l'histoire. Les gens vont aller s'acheter ça là, dans les prochaines minutes sur Internet. Puis là, ils vont vouloir en savoir plus. Je pense que tu as une activité à leur proposer. Oui, juste deux livres que je voulais mentionner qui sont assez intéressants pour montrer un peu le range de sujets différents. Il y a le livre sur le livre de Ralph Bauer, celui qui a inventé le Magnavox ODC, la première console maison sortie en 72, qui raconte un peu son aventure, puis en même temps les premiers balbutiements de l'industrie, qui est assez intéressant. Et d'une autre partie, il y a des chroniques dans les 11 livres, il y a des chroniques de développeurs indépendants de fin des années 80 sur Apple II, donc c'est assez intéressant, c'est comme des journaux intimes des développeurs de jeux. Quand le jeune était étudiant. Donc c'est vrai, il y a vraiment de toutes sortes. Là, c'est pas des gros livres d'histoire arides, c'est plus des chroniques un peu journalistiques. J'avoue, c'est franchement intéressant. On va justement au-delà de l'événement de sortie puis de l'événement un peu de développement là, de base qu'on connaît. On va vraiment aller chez les développeurs comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. J'avoue que c'est très intéressant. Celui-là précisément, là, j'aime beaucoup ça. Ça vient de. Oui, c'est vraiment ça m'a intrigué. Surtout c'est le créateur des jeux Karateka et Prince of Persia sur Apple II. Justement, Karateka. Ouais, des jeux extrêmement populaires à la fin des années 80. Ben oui, justement, Karateka, on a essayé ça, moi et Andrew, au Musée de la Civilisation la semaine passée. Oui, puis le joystick était tout mou. Un tour à Québec pour ça. Donc, on va continuer, on va parler du colloque cette fois-ci, Diego, qui va se tenir à Montréal en juin. Le premier colloque international sur l'histoire du jeu vidéo, plus spécifiquement, là, c'est pas essentiellement axé sur le jeu vidéo. On parle des formes culturelles qui ont, par exemple, l'arcade qui a amené les formes culturelles, pas l'arcade, pardon, les pinball et les choses comme ça, les jeux pré-vidéo, si on veut. Donc, c'est un colloque qui est organisé du 21 au 23 juin prochain à la Grande Bibliothèque nationale de Montréal. C'est contrairement à la convention que je vous avais parlé au mois de novembre dernier, oui. C'est très accessible. Donc, c'est gratuit pour tous les étudiants canadiens. Okay. Et pour les non-étudiants, c'est 20$ pour une journée ou 40$ pour les 3 jours. Ah, quand même. Très accessible comme événement. Oui, tout à fait. Donc, en plus, donc, il va y avoir 3 jours de conférences. En plus des 3 jours de conférences, il va y avoir un spectacle aussi qui va être donné le 29 juin. Laisse-moi juste vérifier, juste pas me tromper. Le 21 juin, pardon. Il va y avoir un concert classique qui va être donné à la Place des Arts. Le jeu vidéo, une histoire symphonique dans laquelle il va y avoir... ça va être un hommage aux plus grands compositeurs de jeux vidéo, donc Koji Kondo, Jeremy Soule, les Elder Scrolls, les Zelda, Super Mario Bros, Star Wars Rogue Squadron, Chrono Trigger, des choses comme ça. Donc une belle soirée. Ouais, je pense que déjà là, on en avait parlé justement hors d'onde, Diego, toi et moi, là, disant que Puissance Maximale voulait se rendre à ce colloque-là. Et je pense que je regarde Andrew là, puis je pense que les gens de Puissance Maximale vont être là aussi pour ce concert-là. Étant amateur moi-même de musique classique et de musique de jeux vidéo, là, je sens que c'est un incontournable. Puissance Maximale est vraiment en train de booker mon été. Là. Et voilà. J'aurais plus de temps à moi, je pourrais même pas me baigner. Très certain que moi je vais être présent là, probablement les 3 jours. Le concert il est un petit peu plus cher, par contre, c'est 36$ à 56$ les billets. Non. Mais je sais qu'il y a quelques billets, les premières rangées où on voit moins bien sont à 29$. Oui, mais habituellement, écoute, Diego, pour être un gars qui va au théâtre, un gars qui aime ça, justement, aller voir ce genre de spectacle-là, je peux te dire que le prix de ces billets-là sont vraiment pas chers. Oui, c'est le prix habituel. C'est ça, une pièce de théâtre, c'est autour de 70, je pense. Juste aller voir Bruce, c'est à peu près ce prix-là. Ben, en concert, aller voir des concerts classiques ou de l'opéra, là, il faut sortir le portefeuille. Là, donc, je pense que le prix sera pas un problème pour les vrais passionnés. Quel genre de conférence on peut s'attendre au colloque, Diego? Les 3 jours ont chacun leur thème. Donc, la première journée, c'est raconter l'histoire. La deuxième journée, ça va être travailler avec l'histoire. La troisième journée, ça va être vraiment construire l'histoire, ce qui est le thème général du colloque, puisque c'est le premier colloque sur l'histoire du jeu vidéo au monde. Donc, c'est co-organisé par un professeur de l'Université de Montréal, Carl Terrien, des professeurs des États-Unis, Henry Lullwood et aussi un professeur de Copenhague, Espen Arset, qui est probablement la plus grande figure des études académiques sur le jeu vidéo. Mais là, j'ai une question qui me saute comme ça à l'esprit. Là. Diego, est-ce que les gens... est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ça soit principalement anglophone? Oui, toutes les conférences sont essentiellement en anglais. Ça, c'est encore c'est généralement ce qu'il faut pour qu'il y ait une portée internationale à l'événement. Donc, même les participants francophones de France ou du Québec présentent des conférences en anglais. Excellent. Est-ce que tu as d'autres détails par rapport à l'événement? Bien, le plan est déjà... Toute la programmation est déjà disponible sur Internet. Pour ceux qui veulent voir, c'est history-off-games.com. Donc, toute la programmation est disponible. On peut voir là, les différents. Il y a plusieurs, là, par exemple... disons, je vais faire de la publicité pour des personnes que je connais un peu plus, des professeurs de l'Université de Montréal qui vont participer, Simon Dor qui va parler de comment la construction du gameplay, l'histoire du gameplay, par exemple, dans le jeu vidéo, comment on peut conceptualiser. Excellent. Alors, c'est bon. Excellent, Diego, merci. Et pour la suite, finalement, là, tu voulais nous parler, pour le colloque, là, on rappelle rapidement que ça va être le 21 au 23 juin 2013 à Montréal, à la Grande Bibliothèque nationale. Et là, tu avais aussi un autre sujet à nous parler pour rester un peu dans le même concept. Là. Non, mais c'était par rapport au Story Bundle qu'on a juste inversé nos sujets. Ah, bon. Excuse-moi, Diego. Pas de problème. J'ai regardé mes notes justement pour... Oui, c'est ça, on a inversé, c'est tout. J'ai inversé mon plan du départ, c'est pas grave. Excellent. Écoute, merci beaucoup, Diego, de nous avoir appelé pour l'émission. On vous rappelle là, que Diego est notre chroniqueur un peu du côté académique de l'univers ludique. Toujours le fun de t'avoir à l'émission. Et bien évidemment, on va entendre Diego plus souvent parce que là, Diego, justement, côté académique, il était pas mal dedans pendant l'hiver, mais on va le revoir plus souvent cet été pour nous parler de cette dimension qu'on connaît moins un peu de l'univers ludique. Merci beaucoup, Diego, d'avoir été là. Toujours un plaisir. Donc, Monsieur Castegan, on va continuer en musique. Oui, avec « Fais-moi mal, Johnny ». Oh oui, une excellente chanson de Boris Vian. Une chanson qui avait été bannie d'ailleurs, censurée en fait en France. Ça a été écrit lors de la guerre d'Algérie. En fait, non, je me trompe avec « Le déserteur ». Ça a été banni parce que c'est vraiment vulgaire et quand même assez violent. Vous allez voir pourquoi. Alors, on vous envoie ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. À mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était raflé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole, et j'ai crié, vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, envoie-moi au ciel. Zoom, fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum. Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal. Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des raies bleues. Il m'a regardé d'un œil bête, il comprenait rien, le malheureux. Et il m'a dit l'air désolé, je ne ferai pas de mal à une mouche. Il m'énervait, je l'ai giflé et j'ai grincé d'un air farouche. Je me fais mon mal, Johnny, Johnny, Johnny, je suis pas une mouche. Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum. Vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal. Voyant qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement. J'y ai donné tous les noms de la terre et encore d'autres bien moins courants. Ça l'a réveillé aussi sec et il m'a dit, arrête ton char, tu me prends vraiment pour un pauvre mec. Je vais t'en refiler de la série noire. Oh, tu me fais mal, Johnny, Johnny, Johnny, pas avec les pieds. Si, tu me fais mal, Johnny, Johnny, Johnny, j'aime pas l'amour qui fait bing. Il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal. Il a remis sa petite chemise, son petit complet, ses petits souliers. Il est descendu de l'escalier en laissant une épaule démise. Pour des voyous de cette espèce, c'est bien la peine de faire des frais. Maintenant j'ai des bleus plein les fesses et plus jamais je ne dirai fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, envoie-moi au ciel. Non mais fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum. Oh Johnny. Oh la vache, oh, j'en ai marre alors. Les Indiens nous rattrapent. Il faut faire quelque chose, mon sang. Mettez plus de charbon dans la chaudière. Mettez la puissance maximale. Puissancemaximale.com. Et oui, de retour à puissance maximale après cette identification western. Merveilleuse. On remercie toujours François G. Couillard de nous avoir concocté ça à une autre époque. Et vous avez entendu Fais-moi mal, Johnny de Boris Vian. Et je m'excuse pour la méprise avec le déserteur, là, pour tous les grands fans de Boris. Mea maxima culpa, encore une fois. Et maintenant, il est temps de parler jeux indie, mesdames et messieurs. Vous savez qu'à puissance maximale, on aime bien ça, les studios indépendants, puis on aime ça faire des belles découvertes. On en a fait une belle au Bonus Stage, qui est l'événement soirée jeux vidéo que c'est ce qui est passé au Musée de la Civilisation samedi passé, où moi, M. Castegan et d'autres intrigants, nous nous sommes rendus, et on a rencontré du monde très sympathique, dont... D'ailleurs, il faut juste faire une mention... Miss Pac-Man était absente. Oui, mais parce que dans l'exposition, il y a une borne d'arcade de Miss Pac-Man et elle n'était pas malheureusement jouable cette fois-là. Malgré le... Tout le bonheur que tu as eu en allant là, tu as quand même eu ta petite déception. Oui. Je l'avais dit en plus en nombre que Miss Pac-Man devait m'attendre parce que j'allais jouer avec elle, bébé, puis... Oh, on va y retourner. Malheureusement, elle avait mal à la tête ce soir-là. On y retournera une autre fois. Et dans les rencontres qu'on a fait, on n'a pas juste rencontré, on n'a pas juste joué, on a parlé aussi, parce que oui, vous savez que nous sommes des geeks à tendance sociale, à puissance maximale, et on a rencontré une charmante personne du nom de Catherine Levac, qui est propriétaire et développeuse de jeux au studio Crisor. Et elle est avec nous en studio. Bonjour Catherine, comment ça va? Très bien, merci. Et là, on t'a rencontré au bonus stage de la semaine passée, parce que là, moi Piendro, on faisait notre petit tour dans le coin, justement, des développeurs de jeux indépendants. On a essayé plein de trucs, puis là... On a fait des belles découvertes en général, je dirais. Là, on a été intrigués, parce que on a vu une pancarte où c'était marqué Bollywood. Moi, Bollywood, déjà là, ça m'allume, parce que les films de Bollywood, je trouve ça très drôle. Je trouve ça assez impressionnant et des fois, il faut le dire, des fois c'est un petit peu ridicule, mais ça m'intéresse quand même. Ayant étudié en théâtre, entre autres, ce genre de truc-là m'allume, je trouve ça très drôle, je trouve ça très bon. Et là, en voyant qu'il y avait un jeu là-dessus, déjà là, j'ai fait « Ah ouais ». Et Andrew s'est approché, puis là, on est allé vous voir. On va commencer par parler de ton studio. Comment ça a commencé tout ça? J'ai toujours voulu... ça fait quand même plusieurs années que j'ai travaillé dans l'industrie. J'ai travaillé avant ça pour Ubisoft, pour Frima, pour une filiale d'Ubisoft qui s'appelait Longtail Studio. Donc, je suis programmeuse. J'ai toujours adoré travailler sur les jeux vidéo, jouer aux jeux vidéo. Mais le problème, quand on est dans un gros studio, c'est qu'on peut pas nécessairement faire les jeux qu'on veut. J'avais beaucoup d'idées qui me trottaient dans la tête et j'avais vraiment envie de pouvoir les réaliser. Donc, j'ai décidé, il y a à peu près 3 ans, de me partir à mon compte. Donc, c'est comme ça que Crisor Studio a été conçu. Est-ce que t'es parti comme ça, du jour au lendemain, dans le sens où t'as décidé de partir de ta business, puis là, il n'y avait plus rien d'autre que ta business, ou t'as quand même commencé tranquillement? Parce que là, tu nous disais hors d'onde tantôt que tu fais ça à temps plein, là. Oui, je travaille à temps plein sur les jeux. Puis là, pour le moment, il y a un seul jeu de disponible. Je sais que t'as d'autres projets, là, tu m'en parlais tantôt. Mais là, est-ce que t'es seul présentement au studio à travailler, ou t'as d'autres personnes qui t'aident? Présentement, je suis seule. Disons, en termes de studio, présentement, c'est très indie, c'est-à-dire moi dans mon appartement. Sinon, j'ai des collaborateurs qui m'aident parfois, mais à temps partiel. Mon artiste qui est engagé à contrat, qui est une bonne amie à moi, qui dessine très, très bien, comme vous avez pu le constater. Ben oui, je pense qu'on l'a rencontré, celle qui est avec toi au bonus stage. Oui, c'est ça, Geneviève. Donc là, une personne et demie, mettons, là, une personne à temps partiel qui vient t'aider justement pour le côté artistique. Et là, on a un jeu, nous, c'est ça qu'on parlait de Bollywood, là, un jeu qui s'appelle Bollywood Wannabe. Et là, qu'est-ce qu'il faut être pour être un Bollywood Wannabe? Mais là, on va l'apprendre parce que c'est un jeu de rythmique, en fait. Évidemment, on peut pas parler de Bollywood sans parler musique, bien évidemment. Donc, c'est quoi le concept du jeu? Donc, Bollywood Wannabe est un mélange de jeux de plateforme et de jeux de rythme. Donc, on a un tableau et il faut réussir à se rendre à la fin du tableau avant la fin de la chanson. En même temps, il y a des rythmes qui défilent au bas de l'écran et il faut réussir le plus de rythmes possible pour attirer des figurants qui vont danser avec nous et nous permettre de réaliser la meilleure scène de Bollywood de l'histoire. Non, on parle de bouton de rythme en bas, c'est un peu n'importe quel jeu de rythme, là, Guitar Hero ou autre, il faut appuyer au bon moment, il faut le tenir plus longtemps le bouton s'il y a une traînée, disons, si c'est une note, si on veut, ou un rythme justement qui va durer plus longtemps, il faut vraiment être au bon moment, au bon endroit. Et là, pour la musique, là, moi, je me rappelle, j'étais en train de jouer, puis les épaules, là, se faisaient aller tout seul parce que la musique était très bonne. T'es allé chercher où la musique? La plupart des chansons viennent d'artistes indépendants d'origine indienne. Il y en a un qui vient de l'Inde, d'autres qui restent un peu partout autour du monde. J'en ai deux qui viennent du Canada. Donc, j'ai fait des recherches sur Internet pour trouver des artistes avec des très bonnes chansons qui étaient... assez connus dans leur communauté, mais pas assez connus pour que je sois capable de les approcher quand même. J'ai correspondu avec eux, j'ai fini par les intéresser, donc je leur paye des royalties sur mes ventes. Excellent, mais c'est le fun, ça, des indépendants qui aident des indépendants. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis là, disons qu'on trouve vraiment la trame sonore intéressante. On peut-tu te contacter pour avoir la bande sonore est-ce que tu offres un lien des artistes sur ton site pour qu'on puisse aller voir leur matériel? Oui, sur mon site, il y a des liens. J'ai fait des articles sur les différents artistes qui ont participé au jeu. Et donc, on peut aller acheter leurs chansons. La plupart sont disponibles sur iTunes. Malheureusement, pour la bande sonore, bon, on s'entend, je suis nouvelle dans le jeu vidéo indépendant. Ça a été un très gros apprentissage pour moi, tout ce qui était autre chose que la programmation. Tout ce qui est le côté légal, j'imagine, justement, pour l'intégration des chansons et tout, là. Pour le côté légal, pour le côté négociation. Donc, disons que j'ai pas négocié les droits pour avoir une bande sonore à part, parce que c'était un petit peu trop de travail pour moi à l'époque. Mais de toute façon, rares sont les studios qui offrent des bandes sonores, surtout les studios indie. Puis de toute façon, on est capable d'aller voir ça autrement en passant par ton site Internet. Je me demandais, la création, ça a commencé comment? En fait, l'idée de faire un jeu sur le Bollywood, moi, je vais être bien honnête avec toi, moi, ben, ça ne me serait pas venu à l'idée de faire un jeu là-dessus, mais d'où est-ce que ça vient? J'imagine c'est parce que tu dois avoir quand même une certaine affection pour le Bollywood. C'est sûr. Disons que l'idée de départ, c'est un peu particulier. C'est une journée, je me promenais dans la rue, il faisait beau, tout était bien. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, ça serait le fun si on pourrait faire comme dans les musicals, puis se mettre à faire une scène de danse en plein milieu de la rue pour aucune raison. Et je pensais à partir mon propre studio indépendant à l'époque, et je me suis dit, c'est un peu à ça que ça sert les jeux vidéo, pouvoir vivre des expériences qu'on peut pas vivre dans la vraie vie. Et je me suis dit, ça serait le fun d'avoir un jeu vidéo. Bon, il y a beaucoup de jeux de rythme, beaucoup de jeux de plateforme, mais j'ai jamais rencontré de jeu qui représentait vraiment cette expérience-là, de pouvoir faire sa propre chorégraphie d'une façon aussi libre. Et puis, c'est ça que j'ai voulu recréer. Au fur et à mesure que j'ai réfléchi au concept, bon, que j'ai réfléchi comment intégrer des éléments de plateforme avec des éléments de jeu de rythme, je me suis dit que ça me prendrait une histoire autour de tout ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai pensé aux films de Bollywood, qui, comme tu dis, c'est des films que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, c'est ça. J'ai imaginé l'histoire des acteurs et du producteur qui rêvaient de faire un film de Bollywood, qui avait aucun budget, aucun contact, et qui se débrouillait avec les moyens du bord, un peu comme moi, finalement. Ben oui, j'ai beaucoup aimé le jeu, puis en plus, il faut avoir quand même l'œil attentif, parce qu'on peut pas juste regarder la bande rythmique en bas, parce que nos bonhommes, ils doivent se déplacer dans le tableau, puis il faut sauter à certains endroits, faut parce que sinon, on peut rester pogné, puis là, ben, on se rend compte à moitié, oh, je suis au début depuis tantôt. On est là, ça va pas bien, là. C'est qu'il faut vraiment... Il faut timer nos sauts sur les moments où on a des notes longues. Ouais, mais non, c'est ça, c'est que ça demande beaucoup d'attention. Moi, je suis pourri pour ces affaires-là, mais je pense quand même pas si mal. Ben, en tout cas, j'ai fini un tableau. Déjà là, c'est bon, dans mon cas. Mais Andrew aussi l'a essayé, puis il a évidemment eu un meilleur score que moi. Il était bien content de me le faire, de me le dire tout de suite après que j'ai fini. Tu sais, Mike, j'aime toujours réussir à prouver ma supériorité. À scraper mon ego de gamer. Mais, tu sais, tu te fais battre par un roux. Ouais. On va en parler. Et non, ça. Tu peux pas me lancer de crayon pendant que le micro est allumé. Et donc, merci Andrew pour cet aparté. Donc, ça a pris combien de temps de développer tout le jeu? J'imagine que, étant zéro open bar, connaissant aucun programme de langage de programmation, moi, j'ai aucune idée combien de temps ça peut prendre. Mais toi, finalement, ça t'a pris combien de temps de tout faire ça? Le jeu a pris environ 2 ans à développer. C'est sûr que dans mon cas, il y avait plus que la programmation dont je devais m'occuper. Toute l'organisation pour trouver les chansons et... Parce que j'imagine que pendant le développement, t'étais pas là-dessus à temps partiel, à temps plein. J'imagine que t'avais un autre boulot à côté. Non, en fait, j'étais à temps plein, mais je pouvais pas être à temps plein sur la programmation. J'ai fait en partie mon propre engin, mes propres outils pour les tableaux, pour les chansons, pour les animations. Donc tout ça a été très très long. C'est la première fois que je devais faire la gestion qui venait autour. Donc tout ça, c'est un peu additionné. Et puis là, quand c'est toi qui te mets tes propres limites, eh bien là, t'as toujours tendance à les pousser un peu parce que, bon, ah non, là, il y a un petit problème. Là, ça serait le fun de rajouter ça. Là, je peux pas laisser ça comme ça. Donc, si tu te ramasses avec 1 mois, 2 mois, 3 mois de plus, je pense que tous les développeurs indépendants ont la même histoire à raconter. Jusqu'au jour où tu dis, bon, c'est cette date-là, ça sort cette journée-là. Puis, c'est ça. Advienne que pourra. Advienne que pourra, ça sort. Et là, le jeu, on peut le retrouver sur ton site Internet. Peux-tu nous rappeler l'adresse, s'il te plaît? Oui, donc le jeu est disponible sur le site bollywoodwannabe.com. On va mettre sur le site Internet pour ceux qui sont pas, qui sont pas auditifs, là. On va le mettre sur le site Internet lorsqu'on mettra l'émission en podcast. Et est-ce qu'il était disponible sur d'autres plateformes ou pour le moment, c'est seulement sur ton site? Pour le moment, il est disponible sur mon site et sur le site de Desura ainsi que sur Green Man Gaming. Excellent. Donc, on va pouvoir fournir l'adresse pour aller chercher le jeu et c'est un 10$, je crois, pour avoir ce jeu-là. Oui, 9,99. Est-ce que c'est sur seulement PC ou il y a d'autres plateformes? Présentement, uniquement sur PC. Excellent. Écoute... Projet de portage? Peut-être, s'il y a de l'intérêt pour ça. Et, nous autres, on avait joué, là, une dernière petite question, là. On a joué avec une manette, nous, lors de l'essai au musée. Est-ce qu'on peut jouer avec clavier? Est-ce qu'il y a différentes configurations pour pouvoir jouer? Oui, le jeu, à la base, se joue avec le clavier. On peut configurer les touches qu'on veut. C'est sûr que pour l'événement, j'avais préféré mettre un contrôleur programmable pour que ce soit plus simple. Excellent. En tout cas, ça marche bien avec le contrôleur, je trouve. Ah oui, une raison de plus de déterrer ta manette. Effectivement, ma vieille manette pour jouer à des émulateurs sur PC. Ou encore à Devil May Cry. Ah, effectivement. Et vous allez donc, merci Catherine. Catherine Levac, donc, du studio Crisaor, qui est avec nous pour nous parler du jeu Bollywood Wannabe. Allez, on va vous mettre ça sur le site, bien évidemment, pour aller. Puis là, en plus, je sais déjà, parce que moi, nous, à Puissance Maximale, on a des primeurs. Je sais déjà que Catherine prépare d'autres projets, puis qu'il y a des projets Indiegogo qui s'en viennent. Ça fait que restez à l'affût sur la page de Puissance Maximale et sur la page de Catherine pour aller chercher, pour aller l'encourager, bien évidemment, pour encourager les développeurs indépendants. C'est ce qu'il faut faire. Et aussi pour acheter ce merveilleux jeu qu'est Bollywood Wannabe. Donc, on va penser... merci, Catherine. Je sais pas, je t'ai déjà remercié, mais c'est mieux de le faire deux fois. Ben, merci à vous. Parce que je suis vraiment content que tu sois venu en studio pour nous parler de ça. On aime ça avoir les gens de la région. C'est ça, en espérant peut-être que ça soit pas la dernière. C'est qu'il y ait d'autres studios qui viennent nous parler. D'autres studios, puis on aimerait ça que Catherine revienne pour nous parler d'autres jeux pendant au moins les 10 prochaines années. C'est mon souhait le plus sincère. Donc, ça veut dire qu'on espère que ça va bien aller pour toi, puis qu'on va être là pour tous les producteurs indie. Mais c'est d'ailleurs sur le Facebook de Catherine que j'ai découvert qu'il y avait une association de développeurs de jeux indépendants à Québec. Oui, c'est eux qui ont organisé la présentation justement au Musée de la Civilisation samedi passé. Excellent. Les premières réactions que j'ai eues, c'est Mike. Va aimer cette page-là. Effectivement. Et puis en plus, c'est toujours... C'est pour ça qu'on dit à tout le monde d'aller aimer la page de Puissance Maximale sur Facebook. Parce que c'est en vous connectant comme ça sur les médias sociaux que vous pouvez avoir des primeurs, vous allez avoir des nouvelles rapides. Et si vous avez justement des questions à poser aux gens de Puissance Maximale, bien sûr, mais à des gens des studios indépendants pour leur demander ce qui s'en vient, leur demander s'ils ont besoin, si vous avez... mettons que vous avez gagné à l'auto, là. Mettons que vous avez gagné 50 millions puis que vous voulez aider les gens des studios indie. Premièrement, vous achetez la récompense 9001 de puissance maximale pour voir la super figurine et avoir la puissance maximale. Exactement. Et après ça, vous allez encourager les studios. Non? Ouais, il faut quand même prêcher un peu pour notre paroisse. Donc, voilà. Merci, Catherine. Encore une fois, puis là tu m'as fait partir là, sur un autre sujet. Donc, encourager les studios indie puis encourager Puissance Maximale. Donnez-nous sur Facebook, aimez tout ce beau monde-là. Donc, on va continuer en musique, M. Castigan. Sunday Bloody Sunday. Oh oui, Devergreen Terrace, évidemment, qui est une reprise du grand succès du groupe U2. Donc, vous entendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Close my eyes and make it. are listening to Sans Maximal. Et oui, de retour à Puissance Maximale, vous avez entendu le très unique Alexis Pajintov, créateur de Tetris, qu'on a eu la chance d'avoir en entrevue. C'est Alexei. Ça. Alexei. S'il vous plaît. Alexei Pajintov, qu'on a eu en entrevue. Pajintov. Ah, va chier. Donc, on a eu en entrevue il y a à peu près 3 ans. Ben, 3 ans. C'est François qui a eu la chance de l'avoir en entrevue. Et, mesdames et messieurs, comme à notre habitude, on va vous parler nouvelles ludiques. Et on va vous parler également de l'événement Bonus Stage. On va commencer par ça, qui a eu lieu samedi passé au Musée de la Civilisation. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est cool. On a vraiment eu du fun. Moi, j'ai adoré ça. Parce qu'entre autres, il y avait des gens, de gros joueurs qui étaient là. Qu'on remercie d'ailleurs d'avoir partagé. Oui, la page Indiegogo de Puissance Maximale sur leur page Facebook. Et aussi, on en avait parlé de la gang de gros joueurs justement parce qu'Andrew les avait vus à Geekfest Montréal. Et c'est vraiment de joyeux barjots. Je pensais que t'allais dire, c'est vraiment des gros joueurs. C'est vraiment des gros joueurs et de joyeux barjots parce que c'est vraiment le fun. Moi, j'ai eu la chance d'essayer donc de sacrer. Avec la grosse manette de NES qui était assez solide. Puis là, c'était avec quel jeu d'ailleurs que on en avait parlé à l'émission. C'était un jeu qui est ressorti, qui est un peu un mash-up de plein de jeux de NES. Abobo Revenge. C'est ça, Abobo Revenge qu'on pouvait jouer. Ou Adventure. Mais bref, Abobo quelque chose. Voilà, et vous pouvez aller chercher ça sur les internets. Mais là, on jouait avec une grosse manette géante de NES. Puis c'était pas faisable, puis j'ai beaucoup sacré parce que j'étais dans le coin de Megaman, puis j'ai toujours été pourri à Megaman. Donc j'ai beaucoup sacré, mais j'ai beaucoup ri aussi. On avait la chance d'avoir Turtle in Time en écran géant. Oui, le fameux jeu arcade. C'est ça, pas la version Super Nintendo, là, non. Vraiment la version arcade avec joystick et tout, puis il y avait même c'est celle-là archi dure là. Effectivement. Puis on avait aussi la version un jeu vraiment vraiment le fun de l'époque arcade, qui est un jeu de X-Men à 4 personnages aussi. J'ai pas eu la chance de le réessayer parce que j'ai joué à ça beaucoup quand j'étais jeune, quand j'étais en arcade. Mais on avait ça aussi. On avait un tournoi de Bomberman avec des prix vraiment intéressants. C'est le Bomberman 10 joueurs. 10 joueurs sur écran géant, c'était assez malade. Tu sais, tu regardes ça puis t'as vraiment l'impression d'être devant une compétition sportive. Le pire, c'est que je suis pas bon à Pac-Man. Pas Pac-Man, je suis très bon à Pac-Man. Mais Bomberman, je suis pas bon. Puis je regardais l'écran, puis les gars de gros joueurs, ils disaient « Hey, faut t'essayer ça ». J'étais intimidé. Ah oui, ouais, je regardais ça, puis je me disais « Ah non ». Ça va prendre 2 secondes pour me faire rincer. C'est puis... ça, j'ai fait « Je vais le regarder, c'est cool, mais non. Mon ego de joueur est pas prêt à encaisser ce genre d'événement. » Mais il y aurait personne qui aurait su que c'était toi. Là. Mais c'était le fun, parce que c'était une version du joueur. Mais non, il aurait vu nos t-shirts de Puissance Maximale, puis il aurait dit hey, « Puissance Maximale, c'est pas crédible, ouais, il gagne pas ça. Des tournois de Bomberman. » Mais c'était le fun, parce que c'était une version Bomberman, mais tu sais, avec d'autres genres de personnages comme Sprite, là, qu'on fait utiliser, ça c'était vraiment le fun. Et un autre truc, il y avait deux autres trucs, le jeu Q-Bert, donc vous vous rappelez de Q-Bert, genre de bébite avec une trompe qui parle en onomatopée et qui descend une genre de pyramide sur des cubes. Ben là vous pouviez jouer avec ça, mais avec un tapis de Dance Dance Revolution. Ça, j'ai trouvé ça très drôle, surtout quand notre ami Jesse est bien en mascotte, a essayé de jouer avec ses grosses pattes en furries. Ben c'est ça, une mascotte là. Là, je l'entends déjà d'ici, là, mais moi, j'appelle ça une mascotte. Donc, il était en train de piler là-dessus avec ses grosses pattes. Il avait beaucoup de misère. Très drôle. Et finalement, un jeu de Pong avec un astéroïde superposé. Avec des animations 8 bits psychédéliques, ouais. Et hyper colorées. Donc, on pouvait jouer à 3. Un qui jouait avec astéroïde et les deux autres qui jouaient avec Pong, mais là, qui était en angle, c'était assez fou. Ouais, il fallait pas faire d'acide. J'ai jamais autant crié en jouant à Pong. Effectivement. Parce que surtout quand, tu sais, normal, c'était correct, mais quand il tombait en perspective, ça prenait un tout autre niveau. Tu sais, ça atteignait les niveaux épiques. Oui. T'avais quasiment les sensations de Skyrim contre les dragons. T'étais comme, on était dedans à 100%. Bref, plein d'activités intéressantes de la part de gros joueurs. Sur place, on avait bien évidemment, on en a parlé tantôt avec Catherine, des développeurs indépendants. Puis il y avait aussi les gens de la planque qui étaient là. Oui, les gens de la planque, parce qu'ils faisaient évidemment la promo du Warp Zone 6 qui s'en vient à l'automne, en septembre, en collaboration avec la gang du musée. Son art d'y être également. Avec les gens de la planque, il y avait la gang de Fanamanga qui était là pour nous sustenter, autant au niveau liquide que solide. J'ai mangé des excellents onigiri et bubble tea. Et ça, je trouve qu'il manque ça beaucoup dans les événements geeks souvent, il y avait un service de bar. Au Geekfest, il y en avait un. Ouais, ben c'est ça. C'est un des beaux points positifs que j'avais soulevé. Ben là, on avait la même chose au Musée de la Civilisation. Prendre une petite bière tranquille en jouant, c'est toujours le fun. Souvent dans les conventions, vu qu'il y a beaucoup de mineurs, ben habituellement, c'est jamais, ça arrive jamais. Mais là, on avait la chance d'avoir ça sur place. Je dis pas que j'ai bu 12 bières avec un entonnoir. Pris quelques bières tranquilles. Arrête de mentir, je t'ai vu. ça fait différent, justement, que la liqueur puis la slush. Ah non, c'est vrai. La bière avec l'entonnoir, c'était avant le musée. Oui, c'est ça, parce qu'on est allé aux Trois Brasseurs avant Andrew Castegan. Donc, super activité. Puis bien évidemment, ce qui était vraiment le fun, Andrew, il a trouvé ça malade parce qu'il l'avait pas vu. Mais on avait accès à l'expo. Oui. Puis qu'est-ce que t'en as pensé, Andrew, de l'expo? J'avais fait ma critique, moi, mais toi... Miss Pac-Man n'était pas là. C'est de la merde. C'est de la merde. L'expo, c'est... Mais... Non, mais en fait... C'était vraiment génial parce qu'il y avait je me promenais puis je faisais des fois deux pas puis je disais mon Dieu, puis là je trouvais quelque chose que j'avais déjà joué quand j'étais jeune et que je m'en rappelais plus et là c'était comme tout d'un coup un 2x4 qui me cognait dans la face pour dire oui Andrew, tu as déjà joué à ça, tu t'en rappelles pas mais tu as déjà joué à ça et ça c'était génial mais j'ai eu deux déceptions, il y avait Miss Pac-Man et aussi il y avait une table arcade de Space Invaders. Ouais. Qui fonctionnait pas. Qui fonctionnait pas non plus. Puis celle-là, ça poussait encore l'audace plus loin. Il n'y avait pas le petit papier pour dire qu'il marchait pas. Ouais, on est arrivé là. Oh yeah! Oh. On était vraiment. Ça brise encore plus le cœur. Ouais. Et, mais sinon, c'était le fun aussi d'avoir des bornes d'arcade que j'ai déjà passé des milliers de 30 sous à l'intérieur qui étaient là, comme exemple Sega Rally. Oui. Et il y avait aussi. Agent Confidential, je ne me rappelle pas si c'est ça le nom de l'arcade, mais bref, c'est un genre de jeu de Castle Time Crisis, mais où tu joues un agent secret. Ouais, il y avait cette borne-là aussi qu'on a. Mais le problème. J'ai pas joué longtemps, par exemple, parce que le gun n'était pas calibré. Ouais, c'est ça, le gun de droite, je me rappelle bien. Gauche. De gauche. Ah, moi, j'ai joué avec les deux guns en même temps, vu que c'est gratuit. C'est un vieux fantasme de gamer d'arcade de pouvoir jouer avec les deux guns en même temps. Mais ça allait mal un peu, justement. Il y en a un qui était pas calibré, qui était mal calibré en fait. Ça allait un peu mal. Mais bon. Et j'ai joué à Doom parce qu'il y avait un PC Doom. La dernière fois que j'étais allé, il marchait pas. Et je me suis rendu compte que ça va être une nouvelle version parce que mes vieux codes d'invulnérabilité et d'avoir c'était des balles. C'était la Ultimate Edition, celle-là qui est en ouais. démonstration. Que le code pour les balles marchait, mais pas pour être invincible. Oui, je me rappelle encore de ça. Dans le temps qu'il fallait starter les jeux en allant dans DOS. Ah, la belle époque. Mm. Ça, Doom, puis Strike Commander, qui était un jeu de pilotage de F-16, si je me rappelle bien. J'ai même eu la joie de rejouer à Crimson Sky, qui était le premier jeu de Xbox 1 que j'avais. Ah oui, c'était un beau jeu, ça, quand même. Je te regardais jouer, puis ça me disait, j'avais pas joué, moi, je m'étais comme trompé avec un... Calme-toi, là, mec. J'étais en train de tout défendre mes écouteurs. J'avais joué à un autre jeu dans ce genre-là de pilotage, mais non, c'était pas Crimson Sky. J'ai été vraiment impressionné. Et Rogue Squadron sur GameCube. Oui. Ça, il faut que je me retrouve ça, en fait, parce que j'avais ça. Moi, j'avais la version sur 64. Ben, Rogue Squadron, celui que tu as joué, c'est Rogue Leader, si je me rappelle bien, sur GameCube. Oui, c'est vrai. Ça, je m'ennuie de ça. C'est des bons jeux, justement, moi, piloter des vaisseaux. Encore une fois, je suis pourri à ça, mais j'adore jouer à ça. Donc, on avait quand même plusieurs bornes, puis t'es pas trop... À part le côté que t'étais déçu qu'il y en avait qui marchaient pas, là, en général, t'as trouvé ça... T'as bien aimé très ça. Très belle exposition. Faudrait par exemple, vraiment, là, qu'elle soit à 100% efficace, mais t'es sûr que c'est là-dedans des vieilles machines, et t'es, c'est hors de leur contrôle si une machine décide d'arrêter de marcher, là. Mais t'es, c'est... Il y avait pas juste les deux bornes, il y avait d'autres jeux aussi. Je pense qu'il y a certaines bornes qui ont peut-être été un peu mal pensées. Il y a certains vieux jeux PC là, qui ont mis en démonstration que t'as pas... T'sais, ils te donnaient une manette pour le jouer, mais t'avais pas le clavier. Mais là, il y était une étape dans le jeu où là, il fallait rentrer de quoi sur le clavier. Fait que là, le jeu était pogné là. Fait que là, c'est comme, ben là, j'écoute, je veux l'essayer, mais j'ai pas accès au clavier. Quelqu'un qui passe une fois par jour, là, resetter. Mais je dirais que qu'est-ce qui aurait été bien, tant qu'à monter un gros présentoir comme ça, je dis ça tout bonnement comme ça, je sais pas s'il y a des gens du musée qui écoutent, mais peut-être ajouter un petit bouton pour permettre de réinitialiser la borne. Jeux, effectivement. Fait que comme ça permettrait de retourner à la place et c'est pas bien compliqué de programmer un auto-start. Hein? Fait que si t'appuies sur le bouton puis qu'il y a un menu ou quoi que ce soit, ben tu t'arranges avec des lignes de commande pour que ça tombe à la bonne place. Hein? Ça serait super. Autre suggestion pour les gens qui veulent aller voir l'exposition, ben allez-y quand il y a moins de monde parce que si vous voulez tout essayer, ça vous tente pas de faire la file dans une exposition de musée pour essayer des jeux. Bref, perdez pas votre temps à essayer la borne avec la Kinect. Non, mais de toute façon... Il y a trop de monde au musée. Moi, j'ai pas essayé les jeux plus récents, moi, parce que... On joue à ça. Non, tout mais le temps. C'est un genre de petit jeu de rythme où il fallait tirer des affaires avec sa main. J'étais curieux parce que j'avais déjà vu des vidéos là, mais ah, la Kinect, il y avait beaucoup trop de monde dans le musée. Fait que là, la Kinect, elle savait plus c'était qui jouait. Fait que là, t'es en train de jouer, puis il faut que tu fasses un mouvement par en avant. Puis là, la Kinect, elle faisait comme. Donc, surveillez les autres activités qui s'en viennent au musée pour qui va tourner autour de cette exposition-là. Il y a le Warzone en septembre, il y a d'autres choses, des conférences qui s'en viennent. Allez sur le site du musée pour voir ça. Et une nouvelle rapide, M. Castagan, pour terminer l'émission. Oui, en fait, il y a eu une annonce qui a été faite pas si longtemps que ça. Si je ne me trompe pas, c'était hier ou avant hier. Bref, cette semaine, Nvidia a annoncé qu'il se lançait dans le marché de la console portable. Oh, et qu'est-ce qui nous attend pour ce produit? En fait, on parle d'une console qui ressemble énormément... C'est quoi, je vous parle en même temps, j'essaie de retrouver l'article. Ça ressemble beaucoup à une manette, en fait. Comme un peu les manettes génériques qu'on retrouve là, pour les... voilà. La Nvidia Shield, c'est ça le okay. nom. Voilà, chercher. Et dans le fond, c'est une manette qui ressemble beaucoup à une manette d'Xbox, à peu près. Mais sans le creux dans le bas, là, où on branche dans le fond le micro, là, rajouter la plug micro, là, puis que c'est une manette unie. Là. Ça ressemble à ça, avec un écran qui se rabat par-dessus, qu'on parlait d'un écran d'approximativement 10 pouces, à peu près, si je me rappelle du vidéo, et qui était un écran tactile. Donc, on parle à peu près format tablette en frais d'écran, roulant sur Android. Mais qu'est-ce qui est particulier avec cette console-là? C'est qu'elle est capable de faire du PC streaming. Donc, dans le fond, devant le cas que vous avez votre ordinateur, vous partez un jeu et vous allez pouvoir streamer le jeu sur cette manette-là. Donc, vous promenez comme vous voulez dans votre maison. Et aussi, ils vont offrir un service cloud gaming, dans le fond, un peu comme OnLive, voilà, chercher le terme, OnLive qui offre, dans le fond, Nvidia va offrir le même service où, dans le fond, les jeux vont rouler sur leur serveur et vous allez avoir le streaming sur votre console portable. Et la machine roule aussi, en parallèle, sur Android. Donc, dans le fond, tous les jeux de bibliothèque Android vont être compatibles, soit avec le gamepad, dans le cas, exemple, d'un émulateur ou d'un jeu de tir Android, ou encore, vous allez pouvoir jouer à Angry Birds sur cette console-là qui a un écran tactile. Excellent. Est-ce qu'on a un prix et une date de sortie? Approximativement $379. Donc, quand même assez dispendieux, mais j'ai pas la caractéristique. Mais c'est une machine qui en a quand même pas mal dedans. Là. Mais ça nous permet de faire du PC streaming et autres. Là, et c'est ça. Mais elle est assez performante. Là. On en a sous le capot. Là, laisse pas sa place pour une machine Android. Et on parlerait qu'elle serait déjà disponible vers la fin du mois de juin. Excellent. Merci beaucoup, M. Castagan, pour cette nouvelle. Et c'est déjà la fin, mesdames et messieurs, de Puissance Maximale. Je tiens à remercier Catherine, qui est avec nous, Catherine Lavac, pour nous parler de son studio qui s'appelle Chrysaor. Je vais le finir par la prendre par cœur. J'ai de la misère. Merci beaucoup, Catherine, d'être passée à l'émission. Merci à vous. Et merci à M. Castagan à la console. Merci d'être là chaque semaine, Andrew. Et de nous présenter ta rousseur toute cette semaine-là. N'oubliez pas, hein, y a un bonus, il y a un prix Kickstarter pour venir assister à une émission et me rencontrer. Ça vaut le montant qui est demandé. Ben oui, c'est 100$. Puis si vous payez 250, ben vous pouvez participer à l'émission puis venir manger avec nous. On vous amène manger sur le bras avec l'équipe de Puissance Maximale. Donc, pensez-y. Donc, on vous rappelle que vous allez sur la page de Puissance Maximale sur Facebook. Vous allez nous aimer premièrement parce qu'on vous aime, mesdames et messieurs, et vous allez appuyer sur le petit lien au début de la page pour aller sur le site Indiegogo et nous donner des sous pour nous aider à continuer avec Puissance Maximale, nous acheter du matériel pour partir en mode itinérance et également pour nous aider à refaire le site internet de l'émission pour une équipe de réseau qui fait tout ça bénévolement, mesdames et messieurs, je vous le rappelle. Et vous pouvez aller sur le site de Puissance Maximale, www.puissancemaximale.com, pour aller écouter nos anciennes émissions, podcasts et lire les nouvelles qu'on y poste, bien évidemment. Et mon nom est Michael Michaud, votre animateur, toujours content d'être là chaque semaine et je vous dis... Comme à mon habitude, je vous souhaite en fait une excellente semaine de jeu. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb. When I'm not out with my girlfriend, it's the end. Whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D! Warriors who terrify, it's D&D! Virgins, till the day we One, two, three, four, die!